Le changement du fonctionnement de l'organisme chez la fille après la puberté est l'un des signes qui montre qu'une fille atteint la maturité. Ce changement va de pair avec l'apparition des règles, comme l'explique le docteur Romeo Irahunda. Quand on parle des règles, ce sont des pertes du sang périodiques chez toute femme en âge de procréer. Donc ça peut être régulier ou irrégulier. Chaque fille entre dans une période. Le docteur explique que parmi les filles et les femmes, il y a celles qui ont les règles douloureuses et cela dépend de la cause de la douleur. Normalement, les règles ne sont pas si douloureuses que ça, oui, mais il y a des femmes, des filles où les règles sont vraiment douloureuses et d'autres où ne sont pas vraiment douloureuses. Tout dépend de la cause de l'étiologie. Donc, si c'est une dysménorrhée, donc si c'est des règles douloureuses, donc il y a des douleurs. Et dans la littérature, on dit que 70% des tiers des femmes ont des règles qui sont douloureuses. Et ce qu'on appelle en français médical, des dysménorrhées. Alors, il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées primaires, les dysménorrhées secondaires. Mais tous ont presque les mêmes signes cliniques. Donc les signes, il y a surtout des crampes violentes en bas de ventre, surtout au niveau hypographique, douleurs pelviennes. On dit comme des contractions utérines. Dès le premier jour des règles, des fois il y a une sensation de fatigue chez certaines filles ou femmes, une expression de diarrhée, des maux de tête, on appelle des céphalées, des nausées, des vomissements également. Et oui, ce sont des signes qui surviennent en cas de règles douloureuses ou dysménorrhées. Le docteur Romeo Irahunda précise que les règles douloureuses se manifestent de la même façon, tant chez les célibataires que les femmes mariées. Moi je sais que les douleurs sont les douleurs, que tu sois mariée ou pas. Seulement, quand tu es enceinte, ça fait des mois que tu ne vois pas tes règles. Dis-je ça. C'est une trop grande quantité des hormones qu'on appelle des prostaglandines qui déclenchent des contractions utérines qui ressemblent, surtout, à ces observées lors d'un accouchement. Le stress et la présence des kystes chez la femme est l'un des facteurs qui peuvent augmenter les douleurs pendant les règles, comme l'indique le docteur Romeo Irahunda. À part de cette grande quantité des hormones qu'on appelle des prostaglandines, il y a d'autres facteurs qui peuvent aggraver la douleur. Il y a ce qu'on appelle le tabac, l'alcool, éviter le stress, manque d'exercice physique. Et s'il y a dans ta famille des antécédents familiaux, des douleurs pendant les règles, également toi tu peux être aussi un être candidat à ces douleurs pelviennes. Également si tu as eu tes premières règles avant 12 ans, ce qu'on appelle ménage avant 12 ans. Et d'autres causes, les infections sexuellement transmissibles, les fibromes utérins, si on a un dispositif intra-utérin, tumeur ou des kystes de l'ovaire, il y a des risques élevés d'avoir des règles douloureuses. Les douleurs ont des conséquences néfastes sur l'organisme de la femme. Elles peuvent être la cause d'autres maladies. Le docteur Romeo Irahunda nous en dira plus dans la prochaine chronique santé.